jeudi 18 octobre, une foi partagée dans l'amour. Dans Jean 17 au verset 3, Jésus dit que la vérité éternelle, c'est connaître Dieu. Lisez 1 Jean 2, les versets 3 à 6. Que signifie connaître Dieu? Comment manifestons-nous notre connaissance de Dieu dans notre vie quotidienne? Généralement, tandis que les gens dans la société aujourd'hui aiment se considérer comme des citoyens honnêtes et respectueux de la loi, ces mêmes personnes ont souvent tendance à minimiser l'importance de l'obligation biblique de garder les commandements de Dieu. Certains vont même jusqu'à dire que la grâce de Dieu élimine les commandements de Dieu. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Garder les commandements n'est pas une condition pour connaître Dieu, mais un signe que nous connaissons Dieu, Jésus, et que nous l'aimons. Par conséquent, la connaissance de Dieu n'est pas une connaissance théorique, mais elle pousse à l'action. Jésus lui-même a insisté « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. » À ceci, nous savons que nous aimons les enfants de Dieu quand nous aimons Dieu et que nous agissons selon ses commandements. Car l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements, et ses commandements ne sont pas un fardeau. Lisez Jean 13, les versets 34 et 35. Quel nouveau commandement Jésus a-t-il donné à ses disciples, et quel est le lien avec l'idée d'unité parmi les disciples de Jésus? L'ordre d'aimer son prochain n'était pas nouveau. On le trouve déjà dans les instructions que Dieu donna à Moïse dans Lévitique 19 au verset 18. Ce qu'il y a de nouveau, en revanche, c'est l'ordre de Jésus adressé à ses disciples de s'aimer les uns les autres, comme il les a aimés. L'exemple d'amour qui se sacrifie qu'a donné Jésus devient la nouvelle éthique pour la communauté chrétienne. Quel merveilleux standard ! La vie de Jésus n'a été qu'une démonstration pratique de l'amour en action. Toute œuvre de la grâce est une œuvre constante de service d'amour, de renoncement à soi-même, d'effort, d'abnégation. Nous pouvons imaginer que la vie de Christ était une manifestation incessante d'amour et de sacrifice de soi pour le bien des autres. Le principe qui motivait Christ devrait motiver son peuple dans toutes ses interactions. Quel témoignage puissant ce genre d'amour rendrait au monde? Et quelle force d'unité un tel amour ne produirait-il pas parmi nous? Comment apprendre à révéler ce même amour qui se sacrifie pour les autres et que Jésus a manifesté ?